Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Discothèque Classique. Discothèque Classique, c'est votre rendez-vous avec la musique classique tous les samedis et dimanches de 11h à midi sur Fadjet. Eh bien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir dans notre studio Cora Joris, responsable de l'Opéra National de Lorraine, notre opéra. Et avec elle, eh bien, nous allons présenter la saison 2024-2025, qui a déjà commencé avec un superbe concert de musique française. Bonjour Cora. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Et on va commencer peut-être par le prochain spectacle, le premier opéra d'ailleurs de la saison, hein, on peut dire ça comme ça, qui s'intitule « Héroïne » sur un concept tout à fait original, puisqu'il réunit trois œuvres courtes qui mettent en scène des femmes, des héroïnes. Tout à fait, donc c'est la première production qui commence dès ce dimanche, la première est dimanche et la générale est ce vendredi. Donc c'est une production tout à fait exceptionnelle puisqu'elle tourne, comme vous le disiez, autour de principalement d'une œuvre, Le Château de Barbe Bleue, de Bartók, compositeur hongrois. C'est un opéra absolument central dans l'histoire de la musique. On est au début du XXe siècle. Ouais. Et donc c'est l'histoire de Barbe Bleue qu'on connaît, celle des contes, un petit peu modifiée, mais avec une musique qui est extrêmement dense, extrêmement sombre, extrêmement prenante, mais d'une très grande richesse sonore, avec un orchestre très large. Et c'est une œuvre qui est assez courte, puisque c'est un opéra qui dure une heure. Ouais. En général, les opéras sont bien plus longs. Donc, il est de tradition de donner Le Château de Barbe Bleue avec autre chose. Et là, c'est pas une autre œuvre, mais deux qui entourent Barbe Bleue. On a Sancta Susanna de Paul Hindemith et La danse des morts d'Arthur Honegger. Alors ça Hindemith, va être une découverte pour beaucoup d'auditeurs. Ah oui, certainement, puisque ce sont des œuvres très, très peu connues, très peu jouées. Donc c'est une grande chance de pouvoir les rassembler en une même soirée d'opéra. Alors Hindemith et Honegger sont aussi des compositeurs du début du XXe siècle. Donc ça nous fait une grande soirée opéra début du XXe siècle en plusieurs langues, puisqu'on va entendre de l'allemand, du hongrois, du français, du latin. Sancta Susanna, c'est une œuvre particulièrement sulfureuse, avec toute une histoire autour de Sancta Susanna, une nonne qui est prise dans un délire, dans une passion dévorante et débordante, et qui se termine sur comme un coup de poing. Elle termine nue devant le corps du Christ, donc c'est une œuvre blasphématoire. Qui est extrêmement prenante, ça dure 25 minutes et la musique est extrêmement forte, l'orchestre est puissant, très très grand orchestre aussi, et puis les voix sont sublimes. Et puis La danse des morts, qui est une œuvre très intéressante, évidemment ça parle de la mort, mais c'est une mort presque jubilatoire. On a des grands chœurs qui notamment chantent des petites chansons populaires, vous reconnaîtrez peut-être la Carmagnole ou alors le Pont d'Avignon, déguisé un peu en version zombie et mort-vivant. Ce que d'autres compositeurs ont fait, comme Debussy, qui reprenait parfois des chansons aussi populaires. Tout à fait, oui, c'est une des traditions du début du XXe siècle en musique classique. Et donc voilà, ces trois œuvres forment un triptyque extrêmement puissant. Je pense que c'est une production à vraiment ne pas manquer, puisque en réalité, ces trois œuvres-là rassemblées, ça ne s'est jamais fait. Ouais, donc, c'est vraiment une grande première internationale et ça vaut vraiment le coup. Et puis, il y a du sens aussi à travers ces trois œuvres. En réalité, c'est l'histoire d'une femme, de plusieurs femmes qui traversent les trois œuvres. On reconnaîtra les mêmes chanteuses notamment. Donc, c'est un peu trois épisodes de vie d'une femme, l'enfance, la vie de femme mariée, et puis la fin de vie, la vieillesse et jusqu'à la mort. Ça a beaucoup de sens, aussi bien musicalement que scéniquement. Anthony Almeida, qui est le metteur en scène de cette production, a fait une magnifique production avec des jeux de lumière, d'ombre, tout en noir et blanc. Donc voilà, ça s'annonce vraiment prometteur. En tout cas, c'est vraiment très original, parce qu'en principe, quand on veut présenter deux opéras courts, on présente Payas et Cavalleria Rusticana, et puis on ne va pas plus loin, quoi. Là, ça va vraiment être une découverte, je pense, pour beaucoup, beaucoup de mélomanes. On écoute un petit extrait du Château de Barbe Bleue de Béla Bartók. J'ai choisi la version de Pierre Boulez, grand spécialiste de Bartók, à la tête de l'Orchestre symphonique de Chicago, avec notamment Jesse Norman. Ooh. Dedic ei tot, legend apfi, nishat, nishat. Allez, c'était un petit extrait du château de Barbe Bleue de Béla Bartok. Les voix de Jesse Norman, Laszlo Polgár, l'orchestre symphonique de Chicago, direction Pierre Boulez, qui est actuellement à l'affiche de l'Opéra National de Lorraine du dimanche 6 au samedi 12 octobre. Et nous sommes donc en compagnie de Cora Joris, qui est responsable des forces artistiques de notre Opéra National de Lorraine. Cora, en quoi consiste votre fonction ? Alors, les forces artistiques de l'Opéra National de Lorraine, ça consiste en plusieurs entités de tailles différentes. Donc, ce sont les formations musicales de l'opéra, l'orchestre, le chœur et les pianistes chefs de chant qui sont en charge de tout le travail de répétition, de préparation des chanteurs et notamment du chœur. Donc voilà, moi en tant que directrice des forces artistiques, c'est l'idée d'être aux côtés de tous ces musiciens, tous ces artistes. Je m'occupe de l'organisation, de la coordination, de toute leur participation aux productions et aux concerts, en coordination évidemment avec les autres services de l'opéra. Et puis j'ai aussi une petite part dans la programmation, puisque je contribue avec le directeur et puis avec la directrice musicale et chef d'orchestre principal de l'opéra. Je m'occupe d'une partie de la programmation, notamment symphonique et jeune public. Mmh. Voilà, donc c'est être aux côtés des artistes et puis au moment des concerts et des productions. Cora, une programmation pour l'Opéra National de Lorraine et ailleurs, je pense, ça se prépare combien de temps à l'avance ? Alors, c'est très variable pour les opéras, c'est plusieurs années. Hein, on est à 3 ans, 4 ans, parfois même encore plus, puisqu'il s'agit de réserver des grandes voix, réserver des grands metteurs en scène. Quand on fait des créations de mise en scène, par exemple, ça prend évidemment plusieurs années. Et puis, pour des concerts plutôt symphoniques ou jeunes publics, le temps est un peu plus court. On prévoit, disons, un an et demi à l'avance. Ouais. Voilà. Donc, le programme se fait aussi en collaboration avec les chefs d'orchestre, j'imagine. Oui, hein, tout à fait. Bien sûr. Parce qu'il faut rappeler que notre orchestre est à la fois lyrique et symphonique. C'était d'ailleurs son titre jadis, mais enfin, bon, aujourd'hui, c'est Opéra National de Lorraine, c'est très bien. On va parler du concert qui aura lieu très prochainement, les jeudis 17 et vendredi 18 octobre, à 20h. Ce sera Salle Poirel, j'imagine. Oui, c'est Salle Poirel, bien sûr. Oui, c'est tout à fait ça. Donc, ce sera le deuxième concert symphonique de la saison. Oui. Le premier portait sur la musique française avec la harpe centrale dans le programme. Et là, c'est un autre instrument qui sera mis en avant, c'est le cor, qu'on n'a finalement pas si souvent que ça l'occasion d'entendre en tant que soliste. Donc, on a la grande chance et le plaisir d'accueillir Raymond Zell, qui est un grand corniste allemand, qui est à la fois corniste, soliste, mais aussi musicien d'orchestre et musicien de chambre. Donc, il nous interprétera le concerto pour cor et orchestre de Mozart. Et puis, comme on aime bien aussi mettre en avant les musiciens de l'orchestre dans différentes configurations, l'idée, c'est d'ouvrir le programme par un nocturne avant de Beethoven. Ah oui, alors ça, c'est... Voilà, donc 8 musiciens. Curiosité, parce que je ne savais même pas que Beethoven... Ben, j'ai appris, grâce à ce programme, que Beethoven avait composé un nocturne, je ne le savais absolument pas. Oui, ben voilà, donc c'est l'occasion de faire découvrir cette œuvre. C'est vrai que Beethoven a aussi écrit beaucoup de musique de chambre. On le connaît principalement pour ses symphonies, pour son unique opéra Fidelio. Mais donc là, c'est l'octuor avant qui sera présenté. Et donc, Raymond Zell va venir en tant que premier corniste de l'octuor en faisant travailler aussi les musiciens de l'orchestre. Donc, c'est l'occasion d'entendre les musiciens autrement en ouverture de concert. Et puis ensuite, pour compléter ce programme-là, l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini, opéra peut-être le plus célèbre de Rossini qu'on connaît bien. On en connaît en tout cas certains extraits. L'idée avec cette ouverture, c'est de faire un clin d'œil à la production lyrique dont on parlera juste après, mais Rossini est assez central cette saison à l'opéra. Et puis enfin, la symphonie numéro 40 de Mozart, dont à nouveau, on connaît toutes et tous les premières notes du premier mouvement, mais donc c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir ce qui se passe après. Bon, bah, on va écouter un extrait du concerto pour cor numéro 3 de Mozart. Il en a composé au moins 4, hein. On n'est pas sûr qu'il n'en ait pas composé plus, pour un dénommé Joseph Leutgeb, je ne sais pas si je prononce très bien, qui était un copain à lui, un maître fromager, mais qui jouait très bien du cor. Et puis Mozart adorait le fromage, certainement. Donc, pour avoir du fromage, il lui a composé quelques concertos et puis également un trio. Allez, on va écouter un extrait de ce concerto Köchel 447 avec Günther Ogner au cor, le Philharmonique de Vienne, très célèbre Philharmonique de Vienne, direction Karl Böhm. Le final allegro du concerto pour cor numéro 3, Köchel 447 de Mozart, avec Günther Ogner au cor, l'orchestre philharmonique de Vienne, direction Karl Böhm, une œuvre que vous pourrez écouter dans son intégralité, bien sûr, très prochainement, donc au mois de novembre, au mois d'octobre, hein, c'est bien cela. Je vais retrouver ma page. Voilà, les 17 et 18 octobre à 20h. Nous sommes toujours en compagnie de Cora Joris, qui est chargée des forces, chargé des forces artistiques à l'Opéra National de Lorraine. Et on aimerait en savoir un peu plus sur vous, Cora. Vous êtes musicienne à la base, violoniste, je crois. Oui, c'est ça, violoniste de formation et puis surtout musicologue. Je me suis tournée vers la musicologie au moment de commencer mes études. Et puis, assez rapidement, j'ai orienté la musicologie vers la médiation culturelle, c'est-à-dire donc la transmission de la musique auprès de tous les publics. Je suis médiatrice de formation et puis ensuite je suis arrivée à l'opéra. Voilà. Mais vous jouez toujours du violon Ça m'arrive, mais c'est plus mon activité principale, disons. Ouais. Mais vous n'avez pas envie de vous lancer dans une carrière musicale à proprement parler de violoniste? Non, c'est sûr que c'est parfois très tentant d'entendre les musiciens, de se dire qu'on rentre et puis on reprend son instrument, mais c'est très réjouissant aussi d'être de l'autre côté, J'imagine, pouvoir être dans la programmation et puis dans l'encadrement de toutes les activités de l'opéra. Alors en novembre, on va continuer la présentation de la saison 2024-2025 de notre Opéra National de Lorraine. En novembre, concert symphonique avec une seule œuvre. Mais quelle œuvre ? Les 21 et 22 novembre, la symphonie numéro 5 de Mahler. Et ça, je crois que c'est une œuvre qui compte beaucoup pour vous, j'ai l'impression. Oui, oui, tout à fait. C'est un des grands rendez-vous de la saison symphonique. La cinquième de Mahler, Gustave Mahler, immense compositeur du 19e siècle romantique qui a composé des symphonies absolument magistrales et celle-ci est peut-être l'une des plus célèbres de ces symphonies. Mmh. C'est une œuvre qui rassemble un orchestre immense avec beaucoup de musiciens, notamment dans le pupitre des cuivres, des percussions en réalité dans tous les pupitres, mais surtout les cuivres. On a par exemple au tout début du premier mouvement une sorte d'appel de trompette auquel répond tout l'orchestre de manière assez colossale. On sent toute la puissance de l'orchestre symphonique dès les premières notes de cette cinquième symphonie. Et donc, on est ravis de pouvoir la jouer. Alors, c'est une symphonie qui dure un peu longtemps. C'est pour ça que c'est la seule œuvre du programme. Mm-hmm. Mais elle réjouit toutes nos musiciennes et tous nos musiciens à l'opéra. Et puis, on est aussi extrêmement content d'accueillir Giulio Cilona à la direction pour ce programme. Giulio Cilona qui était déjà venu la saison dernière autour de Don Pasquale, production lyrique du mois de décembre. Et donc il revient cette saison comme premier chef invité. Mmh. On le retrouvera aussi dans la programmation lyrique. Donc on est très content de pouvoir l'accueillir avec l'orchestre sur la scène de la salle Poirel. Dans cette symphonie qui d'ailleurs est très connue, je suis sûre que le quatrième mouvement, l'Adagietto, résonnera aux oreilles de vos auditeurs, puisque c'est un mouvement qui a été repris notamment dans le film Mort à Venise de Visconti. C'est cette musique extrêmement lente qui se déploie avec des instruments à cordes, avec la harpe, avec une mélodie extrêmement prenante et déchirante, tout en sonorité cristalline. Donc voilà, c'est l'occasion de redécouvrir aussi cette œuvre de cette manière-là. Et qui est une jolie déclaration à Alma Mahler, enfin celle qui allait devenir Alma Mahler, mais qui s'appelait à l'époque Alma Schindler. Alors justement, vous parlez de ce chef d'orchestre, Giulio Cilona. Combien de répétitions avec l'orchestre avant que l'œuvre soit prête, à peu près en moyenne, quoi ? Alors, en général, les programmes symphoniques se montent en seulement 3 jours et demi. D'accord. 3 jours et demi, 4 jours. Mmh. Ici, évidemment, comme c'est une œuvre particulièrement puissante et colossale, on déborde un petit peu de ces semaines symphoniques. Et donc, il y a déjà une journée de répétition qui aura lieu un petit peu plus tôt. Mais en réalité, les musiciens de l'orchestre sont très efficaces et de manière générale, ils commencent le travail le lundi pour ensuite jouer le jeudi et le vendredi. Après, évidemment, il y a tout le travail qui se passe pas sur scène, mais qui se passe à la maison. Les musiciens travaillent aussi leurs partitions en amont. Il y a tout un travail colossal de réglage des partitions avec la bibliothécaire de l'opéra. Donc, disons, sur scène, ça dure entre 3 et 5 jours. Et puis après, il y a tout le travail en amont qui est fait. Allez, on écoute un petit peu de cet adagietto de la cinquième de Mahler. J'ai choisi la version de Leonard Bernstein à la tête du New York Philharmonic. Thank you. Un extrait de la 5e symphonie de Gustav Mahler, l'Adagietto, les cordes de l'Orchestre Philharmonique de New York, direction Leonard Bernstein. Et je suis toujours en compagnie de Cora Joris, responsable des forces artistiques de l'Opéra National de Lorraine. Au mois de décembre, un spectacle qui, je crois, sera très important. Une œuvre finalement assez rarement donnée, me semble-t-il, Brundibar, Hans Krása, qui a été composée dans des circonstances absolument affreuses, tragiques. Oui, tout à fait. C'est un opéra pour enfants, créé par des enfants. Et il se trouve qu'il a été créé dans les camps de concentration. Donc on est dans cette époque-là de la Seconde Guerre mondiale. C'est un opéra qui est très symbolique, puisque l'histoire est en quelque sorte une métaphore de tout ce qui se passait au moment de la guerre. Et bien que l'opéra ait été créé dans les camps, il a ensuite été interdit par les nazis. Et donc cette œuvre a relativement peu été jouée depuis. Donc c'est l'occasion de la remettre au goût du jour. Et c'est aussi l'occasion pour les musiciens de l'opéra de collaborer avec les enfants du collège de Leron de Bayon, mmh, et puis les enfants de la maîtrise du conservatoire. Oui. Donc voilà, ce sera une belle soirée musicale qui a déjà commencé depuis la saison dernière en réalité, puisque le travail se poursuit avec les intervenants musiciens de l'opéra et des écoles depuis la saison dernière, avec une pré-restitution qui a eu lieu en fin de saison. Et donc là, au mois de décembre, ce sera la représentation finale. Et il faut rappeler aussi que l'Opéra National de Lorraine, depuis déjà de longues années, a une démarche très pédagogique et s'ouvre aux collèges, parfois même d'ailleurs des collèges qui sont en zone difficile, hein, pour faire découvrir l'opéra, la musique à ces jeunes qui n'y ont peut-être pas accès. Oui, tout à fait. L'opéra a des missions citoyennes aussi d'aller au-devant de tous les publics, y compris ceux qui n'y ont pas accès pour plein de raisons différentes, et notamment par, comme ça, des concerts participatifs ou alors des concerts jeunes publics, et encore tout un tas d'autres actions qui sont déployées par le service d'éducation artistique et culturelle de l'opéra. Voilà, on est très heureux de pouvoir créer comme ça des œuvres un peu collectives avec des enfants, et des enfants pour certains qui apprennent le chant, qui n'ont aucune pratique du chant choral et qui découvrent cette pratique musicale-là à l'occasion de Brundibar. Et toujours au mois de décembre, un opéra de Rossini, Cenerentola, alors c'est Cendrillon en italien. Décidément, Perrault est très présent cette année dans la saison de l'orchestre, de l'Opéra National de Lorraine, puisque Château de Barbe Bleue et puis Cendrillon. Cenerentola, c'est un ouvrage de Rossini qui a de plus en plus, j'ai l'impression, les faveurs des programmateurs et du public. Oui, tout à fait. Alors bon, la musique de Rossini, on la connaît, on parlait tout à l'heure du Barbier de Séville. C'est une musique qui est très joyeuse, qui est très légère, très pétillante, avec un orchestre plein de vivacité. Donc pour nous, c'est aussi l'occasion de fêter avec légèreté les fêtes de fin d'année à l'opéra. Donc la Cenerentola, c'est effectivement l'histoire de Cendrillon, mais c'est l'histoire sans la magie autour de Cendrillon. Donc il n'y a pas de citrouille qui se transforme en carrosse, et il n'y a pas non même plus de petite souris. C'est l'histoire, disons, sociale de Cendrillon qui est victime d'une injustice sociale et dont finalement tombe amoureux le prince plutôt que de se tourner vers les deux sœurs. Et donc là, la Cenerentola sera mise en scène par Fabrice Murgia, qui a décidé de transposer cette histoire-là dans un univers un petit peu gothique. Donc ce sera très amusant. On va retrouver des éléments qui peuvent faire penser par exemple au film de Tim Burton. Voilà, donc c'est l'idée de fêter les fêtes de fin d'année de cette manière-là avec la Cenerentola. Et puis on va retrouver la direction de Giulio Cilona dont on parlait tout à l'heure. Oui. Voilà. Et peut-être les autres années, enfin les années à venir, on aura de l'opérette aussi, parce que c'est un genre qui est un peu disparu de l'opéra. Oui, c'est vrai, pourquoi pas, tout à fait. C'est l'idée de faire de l'opéra léger, joyeux. Effectivement, les fêtes de fin d'année s'y prêtent bien. Finalement, on n'en est pas si loin avec la Cenerentola. C'est ça. Allez, on écoute l'ouverture de la Cenerentola de Rossini, l'Orchestre symphonique de Chicago, direction Fritz Reiner. Thank you. L'ouverture de la Cenerentola de Rossini, interprétée par l'Orchestre symphonique de Chicago en direction Fritz Reiner, un ouvrage que vous pourrez écouter et découvrir à l'Opéra National de Lorraine en décembre. Cora Juris, qui est toujours avec nous, responsable des forces artistiques de notre opéra. Cora, vous vouliez parler des spectacles qui suivent finalement cette Cenerentola. Ça nous mène au mois de décembre, toujours décembre-janvier. Tout à fait. Donc, en parallèle de la Cenerentola, on aura un autre programme qu'on a appelé Merry Christmas, avec ce petit jeu de mots, puisque ce sont bien les chanteurs du chœur qui seront là, et en réalité même les chanteuses, puisque dans Rossini, il n'y a que des voix d'hommes du chœur. Donc, les femmes proposeront un programme autour de chants de Noël, avec notamment du Britten, Ceremony of Carols, et puis des chants de Noël bien connus, dans des arrangements pour voix de femmes, et puis pour petit orchestre de chambre. Donc voilà, c'est à nouveau une autre occasion de fêter les fêtes de fin d'année. Dans la joie et la bonne humeur. Voilà, exactement, tout à fait. Cora, on écoute des disques depuis le début de l'émission. Quel est votre rapport aux disques ? Est-ce que vous êtes une collectionneuse, une discophile passionnée ? Alors, collectionneuse, je ne sais pas, mais j'ai effectivement une assez belle collection de disques chez moi. Je suis assez attachée à cet objet-là. J'aime bien d'ailleurs les classer par époque, par exemple, ou genre. C'est sûr qu'aujourd'hui, pour des questions de praticité, on a très souvent recours aux plateformes numériques pour la musique en trois clics. C'est dommage. C'est vrai qu'il y a moins cet aspect de l'objet qui est quand même très attachant. Oui, et puis le son est beaucoup plus compressé qu'un compact disque. Moi, c'est curieux parce que j'ai toujours classé par ordre alphabétique. Vous voyez, comme quoi chacun a sa façon de faire. On va parler d'Eugène Onéguine. Alors ça, c'est un opéra extrêmement important. Opéra en russe, opéra de Tchaïkovski. Est-ce que c'est difficile de trouver des chanteurs capables de chanter le russe hors des Russes ? Alors oui, tout à fait, puisque c'est une langue qui est assez particulière, et puis c'est aussi un style musical qu'il faut pouvoir porter. Là, on a la chance à la direction d'orchestre d'accueillir notre directrice musicale et chef d'orchestre, Marta Gardolinska, qui donc est polonaise et par son rapport à la musique de l'Est va pouvoir aussi porter tous ces artistes et tous ces musiciens sur les traces de Tchaïkovski. Donc ça va être un grand moment avec cette histoire très puissante histoire d'amour, histoire d'amitié aussi, histoire d'échec, de déception. Donc une histoire assez sombre, mais qui est palpitante et qui sera certainement passionnante à regarder sur la scène. Époque flamboyante où l'on réglait ses dettes d'honneur en un coup de duel. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et il y a de belles pages symphoniques en plus. Notamment cette polonaise au milieu de l'opéra, qui est la page la plus célèbre de l'opéra d'Onéguine, et vous disiez flamboyant, mais effectivement, c'est aussi de la musique flamboyante de cette manière-là. L'orchestre de Tchaïkovski est très brillant. On entend à nouveau des cuivres, des percussions, et puis des cordes qui portent ces mélodies-là, notamment cette polonaise, de manière extrêmement flamboyante. Oui, et puis il y a la valse aussi. Alors ça donnera peut-être l'occasion d'un grand bal avec les robes d'époque. Alors ça, le public adore, hein, faut quand même dire ce qui est. Le public parfois est d'ailleurs un peu saturé des mises en scène où on ne respecte pas l'époque où l'œuvre a été créée, hein, je pense. Allez, on écoute la polonaise d'Eugène Onéguine de Tchaïkovski. L'orchestre philharmonique de Berlin est dirigé par Seiji Ozawa. Thank you. La polonaise d'Eugène Onéguine de Tchaïkovski, l'orchestre philharmonique de Berlin, c'est Hideo Ozawa. C'était beau, hein, Cora ? Oui, magnifique. Ouais. Ouais. Et puis donc, un opéra Eugène Onéguine de Tchaïkovski que l'on pourra découvrir, ce sera au mois de février-mars, enfin, des dates à cheval sur les deux mois. Et on continue avec un concert qui aura lieu en mars, Amslav. Décidément, la musique d'Europe centrale, de l'Est, est très présente cette année pour notre opéra national. Tout à fait. Et puis, ce concert sera à nouveau porté par Marta Gardolinska, qui est pour beaucoup. Elle aime beaucoup amener un petit peu de sa culture et nous faire découvrir des œuvres polonaises ou de manière un peu plus générale d'Europe de l'Est. Et donc, c'est toujours une belle surprise, une belle découverte ou redécouverte parfois. Et donc, ce concert Amslav, effectivement, présente trois œuvres assez intéressantes. La première est une création d'une compositrice donc contemporaine vivante. C'est assez rare pour le mentionner. Irina Alexichouk, une compositrice ukrainienne qui écrit cette pièce « Go where the wind takes you »,« Va là où le vent t'emporte ». C'est une œuvre basée sur un poème et à travers cette œuvre, elle évoque le destin de ces femmes qui sont déplacées, notamment à cause de la guerre et des événements récents en Ukraine. On est très heureux de pouvoir faire cette création. Alors, ce n'est pas tout à fait une vraie création. Disons qu'on s'intègre dans un processus de création. Cette œuvre sera jouée en l'espace d'un an, un an et demi, sera créée partout dans le monde, à l'international. Et donc, on est très heureux, avec l'Opéra National de Lorraine, de pouvoir... De la produire, regarde. Voilà, c'est ça, s'intégrer dans ce processus de création. Et puis ensuite, un concerto pour violon de Gratsina Baczewicz, compositrice polonaise bien trop peu connue à mon goût. On la redécouvre en ce moment. Hein. Voilà, bah, tout à fait. C'est un peu une période de où on rejoue ses œuvres, et notamment portée par le violoniste soliste, Janusz Wawrowski, qui lui aussi œuvre beaucoup pour la redécouverte de ses œuvres, et il les enregistre beaucoup. Donc voilà, magnifique concerto. Et puis enfin, Antonin Dvorak, compositeur slave, avec les danses slaves, qui sont des pages symphoniques absolument fulgurantes, dans lesquelles il remet un petit peu du folklore slave. Mmh. Alors il y a des thèmes, il y a des sonorités, il y a des rythmes, notamment des jeux de rythme, des mesures un peu irrégulières ou des danses qu'on retrouve, mais qu'il retravaille un peu avec son style, avec son langage et avec un grand orchestre très brillant. Il y a toujours beaucoup d'odeurs de terroir dans la musique de Dvorak. On écoute la dernière du cahier opus 46, puisqu'il y a deux recueils de danses slaves, et vous avez choisi la dernière donc en sol mineur, presto, l'orchestre symphonique de la radio de Bavière est dirigé par Raphaël Kubelik. Thank you. Danse hongroise en sol mineur opus 46 d'Antonin Dvorak avec Raphaël Kubelik à la tête de l'Orchestre symphonique de la Radio de Bavière, le choix de mon invité Cora Joris, directrice des forces artistiques de l'Opéra National de Lorraine. Cora, vous vouliez nous parler encore de quelques concerts qui auront lieu durant la saison ? Oui, tout à fait. Alors par exemple de la production qui aura lieu au mois d'avril et au mois de mai. L'Élixir d'amour, un opéra bien connu de Donizetti. Voilà, c'est l'occasion d'en parler. Donc, une histoire finalement assez légère. L'histoire du jeune Nemorino qui est amoureux de la belle Adina et qui, pour céder dans la séduction d'Adina, a recours à un élixir d'amour, d'où le titre, oui. Qui en fait n'a absolument aucun pouvoir magique. Oui, c'est un bon vieux Bordeaux, quoi. Voilà, exactement, c'est tout à fait ça. Et donc, s'ensuit tout un tas de péripéties. C'est un opéra qui est très connu, l'un des plus connus de Donizetti, avec à la fois un côté très léger, très joyeux, qui colle assez à l'histoire, mais en même temps des pages assez tragiques. Notamment l'air bien connu, la Furtiva Lagrima. Eh ben le voilà tout de suite, cet air très connu, comme vous disiez. La Furtiva Lagrima, la version de Roberto Alagna dans le rôle de Nemorino, l'Orchestre National de l'Opéra de Lyon, direction Evelino Pido. Una furtiva lagrima, tirée de l'élixir d'amour de Donizetti, la voix de Roberto Alagna, l'Orchestre national de l'Opéra de Lyon, direction Evelino Pido. Cora Joris, vous allez nous rappeler les prochains rendez-vous. Oui, de l'Orchestre national de l'Opéra de Lorraine. Déjà ce dimanche, avec donc la production d'Héroïne dont on parlait tout à l'heure, Bartok, In the Meat, Honegger, cette production à ne surtout pas manquer, très sombre et en même temps exceptionnelle et puissante. Donc c'est ce dimanche 6 à 15h, et puis mardi 8, jeudi 10 et samedi 12 octobre à 20h, il reste encore des places, donc n'hésitez pas. Et puis le prochain rendez-vous symphonique pour retrouver l'orchestre, cette fois sur la salle Poirel, le plateau de la salle Poirel, donc le 17 et le 18 octobre dans ce programme pour corps soliste avec Beethoven, l'octuor avant, avec les musiciens de l'orchestre en petit effectif. Et puis Mozart, concerto pour corps, symphonie numéro 40, avec, on a appelé ce programme théâtre symphonique, c'est l'idée que Mozart, qui a composé beaucoup d'opéras qu'on connaît très bien, Flûte enchantée, Don Giovanni, Les noces de Figaro, finalement n'a pas besoin de textes, de paroles, de livrets pour raconter des histoires. Aussi dans ses œuvres symphoniques, avec des mélodies très caractérisées, on arrive à déceler comme une forme d'histoire aussi, des personnages qui se répondent. Donc voilà, c'est l'idée d'un théâtre symphonique, d'une forme de dramaturgie musicale, même sans les mots, même sans le texte. Bien, c'est et puis, une belle idée, oui. Voilà, référence à l'opéra avec l'ouverture du Barbier de Séville pour faire les liens avec le reste de la production. Et qui, pour une fois, ne sera pas jouée donc en ouverture, parce qu'en principe, une ouverture, on la joue en début de concert. Là, elle sera en plein milieu du concert, c'est original ça, aussi. L'ouverture de la deuxième partie du concert, si on veut. Voilà. Bien, merci beaucoup, Cora, de nous avoir rendu visite, d'être venu nous présenter cette saison 2024-2025 de l'Opéra National de Lorraine. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau, ce sera avec plaisir. Avec plaisir. Pour venir nous parler des prochains, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout, ça va jusqu'au mois de juin, il y a encore des concerts jusqu'au mois de juin. Donc on aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, et puis de parler de ces manifestations, de ces concerts, de ces spectacles dans notre émission. Voilà, je vous souhaite un bon samedi à toutes et à tous, et je vous dis à demain.